retrouvons aujourd'hui, mardi 11 février 2020, pour le premier podcast juridique réalisé par la team édito du MAJE de Tours. Cette team est composée d'étudiants du MAJE en droit social, à savoir Camille Arnold, Marina Zitouni et Tristan Pillet, mais également d'étudiants en droit des affaires, et notamment de Camille Lagache, Oriane Liotta, Pauline Levert, Camille Pérez et Aude Pasteur. Nous sommes donc heureux d'accueillir aujourd'hui deux intervenants, à savoir Madame Lauriane Bernard, juriste en droit des affaires au cabinet Duvivier et Associés, et Monsieur Pierre Fabre, directeur de la Directe. MAJE écoute. Monsieur Fabre, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, nous tenons sincèrement à vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Vous allez donc nous présenter votre parcours, la Directe, mais également répondre à quelques questions d'actualité juridique. Pour vous présenter brièvement, vous êtes un ancien inspecteur du travail et vous avez été nommé par un arrêté du 17 mai 2016 sur le poste de directeur régional adjoint du Centre Val-de-Loire, chargé des fonctions de responsable de l'unité départementale de l'Indre-et-Loire. Vous jouez également un rôle important au sein de l'Université de Tours, de la Faculté de droit et du MAJE au sein duquel vous intervenez. Le premier point que nous aimerions aborder avec vous aujourd'hui concerne votre parcours. En effet, ce podcast étant principalement destiné aux étudiants, beaucoup d'entre eux auront sûrement envie d'en savoir un peu plus. Pourriez-vous nous raconter votre parcours universitaire puis professionnel ? Alors, mon parcours universitaire puis professionnel. Alors, tout d'abord, j'ai commencé mes études à la faculté de sciences économiques de Bordeaux. Avant de m'engager sur la voie du droit, j'ai passé là-bas une maîtrise à l'époque d'administration économique et sociale. Ça remonte déjà à quelques années, puisque c'était en 1986. Ensuite, j'ai bifurqué vers la voie juridique, par équivalence, je suis entré en licence. Puis, j'ai continué jusqu'au diplôme d'études approfondies, c'est le Master 2 d'aujourd'hui, en droit social. Et ma foi, c'est au cours, non pas du DEA, mais de la licence en droit, que j'ai fait la connaissance d'abord de la matière du droit du travail, et plus particulièrement d'un directeur du travail en poste à l'époque à Bordeaux, qui m'a donné à cette époque envie de devenir inspecteur du travail. Ça s'est fait tout simplement et tout naturellement. Je n'ai pas toujours voulu devenir inspecteur du travail, ça s'est construit petit à petit, mais c'est venu quand même relativement vite dans mes études. En 86, je peux l'acter et le dater très précisément. D'accord, merci. Donc c'est après vos études que vous avez envie de devenir inspecteur du travail. Oui. L'inspecteur du travail est un fonctionnaire. Il est vrai que le monde de la fonction publique est peu connu des étudiants. Comme tout fonctionnaire, il faut passer un concours. Quels souvenirs avez-vous gardé du concours d'inspecteur du travail ? Est-ce un concours plutôt compliqué ? Auriez-vous des conseils de préparation à donner à quelqu'un qui aimerait le passer ? Alors, ça fait beaucoup de questions en une. Alors, sur le concours d'inspecteur du travail, oui, c'est un concours qui est un concours difficile parce qu'en fait, il fait appel à tout un panel de disciplines et de matières. La culture générale, ça, c'est un point de passage obligé des concours de la fonction publique. Et puis après, des épreuves qui sont ciblées sur les matières juridiques et sur les matières économiques. Alors, ce n'est pas comme le concours qui vient de changer, d'ailleurs, cette année, parce qu'on avait une épreuve obligée de droit du travail, une dissertation, 4 heures. Et puis après, on passait soit une autre épreuve juridique, soit une épreuve économique. Donc, c'est un concours assez sélectif. En plus, je n'ai pas eu de chance parce que quand je l'ai passé, c'était en 1989, c'était une toute petite promotion parce qu'on était de mémoire 8. Il y avait 8 postes simplement ouverts en externe, donc pour les gens titulaires à l'époque d'une licence, 8 postes en interne. Donc c'était extrêmement sélectif. Finalement, je l'ai passé sans refaire l'histoire, mais je l'ai passé plutôt à l'aise parce que je ne m'attendais pas spécifiquement à le réussir du premier coup. Donc ça s'est fait et c'est très bien. Ça s'est fait quasiment un peu de façon naturelle. J'étais très content et puis ça a été la voie ouverte ensuite à la formation en 90-91 et la prise de mon premier poste. C'était lancé. Merci beaucoup. Donc, avant de faire votre connaissance, je ne savais pas personnellement que la Directe disposait de directeurs adjoints régionaux du travail. Pourriez-vous donc nous expliquer un petit peu vos missions ? Et une seconde question, est-ce qu'il faut nécessairement avoir été inspecteur du travail avant d'occuper ces fonctions ? Alors, d'abord, sans entrer dans le détail, les responsables d'unités départementales sont tous des directeurs du travail. Mais quand on devient directeur du travail, après on se voit assigner des missions. On peut être soit directeur d'une direction régionale, soit directeur d'unité départementale. On peut occuper aussi des fonctions dans d'autres services, y compris en administration centrale auprès du ministère du Travail. Moi, ça a été sur ce poste. Ce n'est pas mon premier poste de directeur du travail, d'ailleurs. Mon premier, c'était à Clermont-Ferrand. J'étais à l'époque directeur du pôle travail de la Direc, sur lequel on reviendra peut-être tout à l'heure. Mon deuxième poste, donc, ça a été ici à Tours. Et sur un certain nombre de postes, les plus importants en matière de structure et d'importance d'effectifs, ils sont automatiquement, en plus des directeurs du travail, directeur régional adjoint. Mais ça, c'est une qualification statutaire. Ça ne renseigne pas sur le métier. D'accord. Et d'autre part, sur votre question, faut-il avoir été inspecteur avant d'occuper ces fonctions ? Globalement, oui. C'est-à-dire, dans l'administration, c'est un corps d'inspection du travail. On rentre inspecteur du travail, on devient directeur adjoint et in fine, on devient directeur du travail. Ceci dit, il peut y avoir des passerelles sur des postes de direction, y compris une unité départementale, qui sont ouvertes à des gens qui ne sont pas issus du corps d'inspection du travail, qui peuvent avoir occupé d'autres fonctions, des attachés d'administration, par exemple. C'est plutôt la portion congrue. Ils viennent pour l'essentiel du corps d'inspection, mais ce n'est pas une voie de passage absolument obligée. D'accord. Merci beaucoup. Alors, nous vous remercions donc pour les réponses que vous nous avez apportées. Néanmoins, il me semble important de revenir un petit peu sur la Direct. Donc la Direct, c'est un acronyme qui signifie Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi. Et donc je vais maintenant laisser la parole à mon collègue Tristan qui va vous en parler. Monsieur Fab, bonjour. Bonjour. Nous allons désormais nous attarder sur la Direct et les missions des inspecteurs du travail. Créée en 2010, la Direct regroupe plusieurs services administratifs. Pouvez-vous nous expliquer brièvement quelles sont les missions de la Direct en développant un peu plus la Direction du Travail et de l'Emploi ? Oui, alors la Direct, quand elle a été créée, c'est en fait la fusion de 7 services régionaux qui existaient à l'époque, 7. Donc ça veut dire une palette de missions extrêmement large, de façon très, très schématique. Des missions classiques relativement à tout ce qui est emploi, économie, entreprise, c'est-à-dire toutes les politiques de l'emploi qui sont lancées par les gouvernements, quels qu'ils soient, ça passe entre les mains, si je puis dire, de la Direct. La mise en œuvre des politiques, ça veut dire des actions d'animation, de conventionnement, de financement, de suivi, de contact avec toute une palette d'acteurs. Il y en a beaucoup dans ce secteur-là, des organismes tant privés que publics. Tout ce qui est politique de l'emploi. Ensuite, c'est le pôle 3E dans notre organisation administrative, emploi, économie, entreprise, qui s'en charge. Ensuite, il y a tout ce qui relève de la politique du travail. La politique du travail, ce n'est pas que l'inspection du travail, bien sûr. Ça recouvre aussi des activités comme le renseignement public, comme l'enregistrement des accords, comme le travail en partenariat avec tout un ensemble là aussi d'institutions, organisations syndicales, professionnelles, entreprises, etc. Politique du travail qui embrasse un champ très, très large parce que ça va de l'égalité professionnelle homme-femme aux questions de santé-sécurité, aux questions plus classiques comme la durée du travail, la rémunération, etc. Donc une palette très très large. Et on a une troisième orientation qui est moins connue d'ailleurs du grand public. C'est tout ce qui relève de la concurrence, la consommation, la répression des fraudes, qui n'existe pas dans les unités départementales de la Direct. C'est un autre service qui s'en charge, qui est surtout piloté par le niveau régional. Et là, c'est tout ce qui est protection des consommateurs, lutte contre les ententes illicites, contre les phénomènes de concurrence détournés. Donc, il s'occupe de tout ça. Donc, finalement, une palette de métiers extrêmement large et qui est empreinte et au travail et à l'économie et à l'emploi. C'est ça qu'il faut bien avoir. D'ailleurs, on a deux ministères de tutelle, ministère du Travail et ministère de l'Économie. D'accord, merci. L'image qu'on se fait de l'inspecteur du travail est souvent celle du redresseur de tort, du protecteur des salariés. Diriez-vous qu'il est totalement neutre lors de ses missions vis-à-vis des entreprises et par exemple des organisations syndicales ? Je serais tenté de dire par définition oui, parce que dans les principes déontologiques de l'inspection du travail, il y a le principe de neutralité. Très clairement, en clair, l'inspecteur du travail, quoi qu'il pense, doit, en équité, dans son approche, notamment en matière de contrôle, ne pas prendre parti et position. Très clairement, le principe de neutralité, ça recouvre ça. Bon. Après, la réalité des choses, non pas par rapport à ce principe déontologique, mais dans les rapports de travail, comme on est toujours, évidemment, en France, dans une relation de subordination, donc il y a une partie plus faible, une partie plus forte, pour faire simple. Le respect de l'application de la règle du droit du travail, c'est justement retrouver une certaine égalité dans des relations collectives et autres dans les entreprises qui sont par définition déséquilibrées. D'accord. L'une des missions de l'inspecteur du travail est le conseil. Comment intervient-il concrètement auprès des entreprises et des salariés ? Alors, on est essentiellement saisi par des particuliers. Quand je dis des particuliers, c'est-à-dire des salariés, j'entends la question sous cet angle-là. Ce sont essentiellement eux qui nous saisissent. Conseil, c'est plutôt des demandes de renseignements qui transitent aussi bien par l'inspection du travail, stricto sensu, que par le service de renseignement. Pour autant, dans l'activité de conseil qu'on peut avoir, c'est plutôt du renseignement côté employeur sur la règle de droit. Qu'est-ce qu'elle signifie? Comment elle peut s'appliquer? Ce n'est pas le conseil qui consiste à dire « voilà ce que vous pouvez faire ». Nous ne sommes pas un organisme conseil, nous ne sommes pas des cabinets de consultants, mais le conseil, il faut l'entendre sur le décryptage, finalement, de la règle de droit. C'est comme ça qu'il faut l'entendre. Et ça arrive, effectivement, bien souvent de façon aussi informelle. On n'est pas saisi par un chef d'entreprise, mais lors d'une visite en entreprise, lors d'une discussion avec tel ou tel groupe d'entrepreneurs, on peut être amené à passer ce genre de message. D'accord. Enfin, donc, pour terminer, pouvez-vous nous expliquer brièvement la réforme de la directe à venir ? Alors, ce n'est pas une réforme uniquement de la directe, c'est une réforme des services publics à côté de ce qu'on appelle l'organisation territoriale de l'État. En clair, le gouvernement a décidé qu'il fallait opérer une fusion entre un certain nombre de services. C'est-à-dire que demain, à compter du 1er juin prochain, les unités départementales directes, tous les services, fusionneront avec une partie des ce qu'on appelle les directions départementales de la cohésion sociale, toute la partie qui s'occupe de l'insertion et du logement. Donc à partir du 1er juillet, il y aura une nouvelle entité administrative dont on ne connaît d'ailleurs toujours pas le nom. Ce sera une direction départementale interministérielle où les missions que nous assurons actuellement continueront d'être menées, surtout sur le champ de travail, mais sous le volet emploi et insertion vont être revisités pour être combinés avec ce que font les directions départementales de la cohésion sociale. Et au niveau régional, il y a aussi ce mouvement de réforme, mais à la différence près que les directs, pour l'essentiel, resteront parce que ce sont elles qui apportent les effectifs les plus importants. Et sans rentrer dans le détail, il y a d'autres services de la fonction publique d'État qui sont également concernés. L'idée, c'est de rendre les services plus resserrés. Donc le pari qui est fait, c'est une plus grande efficacité sur le terrain. D'accord, merci beaucoup pour tous ces renseignements. Je vous laisse avec ma camarade Camille, qui va prendre la suite. Bonjour. Bonjour. Donc maintenant que nous avons évoqué votre parcours et la profession dans laquelle vous évoluez, nous aimerions faire appel à votre expertise pour répondre à quelques questions d'actualité qui nous semblaient pertinentes. Celles-ci vont donc porter sur un thème qui a beaucoup évolué ces derniers temps, à savoir la négociation collective. On a effectivement pu constater l'adoption depuis 2015 de nombreuses réformes, à l'instar de la loi Rebsamen, de la loi El Khomri ou encore des ordonnances Macron qui ont fortement modifié le droit du travail et en particulier la négociation collective. Donc, est-ce que l'on peut dire, selon vous, que la négociation collective a été simplifiée par les ordonnances Macron, notamment dans les TPE et PME ? Question compliquée. Alors, d'une certaine façon, à partir du moment où la priorité est donnée à la négociation d'entreprise, on peut se dire, finalement, on est au plus près du terrain, ce sera plus facile, l'ensemble des interlocuteurs connaissent effectivement les problèmes, ce qui n'est pas forcément le cas au niveau de la branche, a fortiori au niveau interprofessionnel et national. Pour autant, négociation collective, pour que ça marche, il faut qu'il y ait des négociateurs des deux côtés, et des négociateurs qui connaissent les sujets sur lesquels ils doivent intervenir, qui sont bien souvent des sujets compliqués. Et donc, si nous n'avons pas les négociateurs des deux côtés avec des gens qui maîtrisent les sujets qu'ils ont à traiter, ça va être un peu compliqué. Donc, plutôt que de dire est-ce que la négociation collective a été simplifiée depuis ce qui est convenu d'appeler les ordonnances Macron, il faut peut-être d'abord se demander est-ce que tous les moyens existent pour qu'il y ait véritablement une négociation collective d'entreprise, notamment des gens, des personnes, des hommes et des femmes, dûment informés, qui soient capables de porter des sujets complexes. Je crois que c'est d'abord ça la question. Et en plus, je constate que les ordonnances Macron, singulièrement l'une d'entre elles, elle a un peu plus de deux ans. Donc, on n'est peut-être pas encore, on n'a peut-être pas encore les moyens de porter un regard clair sur actuellement les pratiques. Donc, l'avenir nous dira si ça a vraiment été efficace. Voilà, on peut dire ça. Et concrètement, dans ce cadre, quels sont les thèmes qui sont le plus facilement abordés par les entreprises ? Alors, Si vous entendez par là les sujets de négociation qu'on retrouve le plus dans les accords d'entreprise, c'est très clairement tout ce qui a trait à la rémunération. Rémunération, intéressement, participation, même si on constate que dans certaines entreprises, ça n'a pas beaucoup avancé, mais très clairement, c'est ça. À peu près les deux tiers, si je prends un département comme l'Indre-et-Loire, les deux tiers des accords, c'est ciblé salaire, intéressement, participation. Ensuite, on trouve la durée du travail. Mais on a peu, finalement, peu d'éléments de négociation, j'allais dire, plus originaux et plus structurés. On parlait tout à l'heure d'égalité professionnelle homme-femme. Si on a quelques accords qui répondent à une obligation légale, je ne suis pas sûr qu'ils répondent entièrement à ce qu'on pourrait attendre d'un véritable accord d'entreprise. D'accord, merci beaucoup. On sait que parmi les grandes nouveautés instaurées par les réformes dont nous avons parlé, la primauté donnée à l'accord d'entreprise dans certains domaines que vous venez d'évoquer avait pour but de renforcer la négociation à ce niveau. Est-ce que du point de vue de la pratique que vous connaissez, donc plutôt bien, vous diriez que c'est le cas ou en tout cas que ce sera le cas ? Ce n'est pas encore le cas, très clairement. Et nous, on compte beaucoup pour que la négociation d'entreprise se développe. On compte beaucoup sur une institution qui a été mise en place dans le cadre des ordonnances Macron, qui est l'Observatoire départemental du dialogue social, dont la directe, d'ailleurs, assure le secrétariat. Je dis bien secrétariat, on n'est pas censé animer ce type d'observatoire. Ce sont les organisations patronales et syndicales qui doivent en prendre la charge. Alors certes, c'est limité aux entreprises de moins de 50, mais elles ne sont pas exclues du champ de la négociation. Et si je cite cet observatoire, c'est parce que c'est à travers lui que l'on pourra mettre les organisations syndicales et professionnelles en mesure de voir ce qui se passe réellement sur le terrain, nombre d'accords, à défaut de voir la qualité dans le sens du contenu, nombre d'accords, les sujets qui ne sont pas abordés, ou très peu, pourquoi ces organisations-là ne s'impliquent pas plus dans la négociation d'entreprise. Donc c'est utiliser cet observatoire dans ce sens-là. C'est pour ça que répondre à cette question aujourd'hui, selon moi, et vu ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, l'observatoire en Indre-et-Loire existant depuis un an et demi, la plupart des observatoires ayant une antériorité faible, c'est un peu trop tôt pour dire ce qu'il en est. Mais en tout cas, ça doit être un vecteur qu'il faut utiliser, dynamique. Je vois. Pour finir, plusieurs plans sociaux ont été mis en œuvre récemment en Indre-et-Loire. On peut citer aussi Hutchinson, qui se situe à Jouy-les-Tours, donc tout près d'ici, et dont plusieurs salariés ont pu négocier leur départ. Sur ce sujet, que pouvez-vous nous dire du climat social tourangeau ? Bien, alors sur le climat social, d'abord, je ne me prononcerai pas sur les plans de sauvegarde de l'emploi, parce que vous en doutez bien pour des raisons de discrétion professionnelle. À titre d'exemple, évidemment. Bien sûr, mais hormis ceux qui sont déjà passés, qui ont déjà été bouclés, si je puis dire. Sur le climat social tourangeau, la Touraine, c'est une région qui est plutôt tranquille relativement aux conflits sociaux. Ah, évidemment, il y a des licenciements économiques, il y a des plans de sauvegarde de l'emploi, il y a donc des mouvements de crispation inévitables par rapport à ces licenciements-là. Il peut y avoir des conflits, et il y en a bien sûr, mais quand je dis tranquille, c'est dans le sens où je n'ai pas noté de conflits collectifs tels qu'on peut en voir dans des régions avec un passé industriel beaucoup plus fort, avec un passé même syndical beaucoup plus fort, notamment les régions dans lesquelles j'ai eu l'occasion d'exercer précédemment, dans les régions où c'était beaucoup plus prégnant. Ceci dit, si ce climat social est plutôt calme, j'insiste sur un point, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de problème. Ça ne signifie pas que ces problèmes-là n'émergent pas. Mais ils émergent de façon plutôt encadrée, si je puis dire, d'une certaine façon. C'est le sens qu'il faut donner au mot tranquille que j'utilisais. Donc on n'a pas un climat social, globalement parlant, effectivement, excessivement tendu dans ce département. Ce qui n'empêche pas les difficultés, je répète. Eh bien, nous tenons à vous remercier, Monsieur Fab, de nous avoir accordé de votre temps. Et nous espérons que, comme nous, vous avez passé un agréable moment. Au plaisir de vous revoir lors d'une prochaine intervention et nous vous souhaitons, ma foi, le meilleur pour la suite. Je vous remercie et je vous dis donc à bientôt. Merci. Merci. Ma j'écoute. Merci à tous les auditeurs d'avoir suivi ce podcast. N'hésitez pas à nous partager votre avis sur les différents réseaux sociaux du Match de Tours. Nous tenions également à remercier les intervenants d'aujourd'hui. Madame Bernard et Monsieur Fabre pour avoir partagé avec nous leur riche expérience professionnelle. Enfin, nous remercions également l'Université de Tours et en particulier NewTeach de nous avoir mis à disposition le FacLab et le matériel nécessaire pour réaliser cet enregistrement.